Je suis Birdie Odette. J'ai traversé les âges, les codes civils et les cuisines trop étroites. J'ai vu passer des familles comme on voit passer des saisons. Certaines reviennent toujours au même point, d'autres se fragmentent, se recomposent, inventent des formes nouvelles avec des matériaux anciens. On aime dire que notre époque aurait libéré les individus de leur déterminisme. Ces formes sociales qui agissent d'autant mieux qu'elles se font oublier, en guidant nos trajectoires sur des chemins déjà tracés. C'est vrai, de loin. Mais dès qu'on s'approche, dès qu'on regarde du côté des configurations familiales et de la socialisation, l'affaire se complique. Apparaissent alors des déterminismes plus discrets, plus souples, parfois moins avouables, et surtout plus diffus. La famille n'est plus une forteresse. Elle n'est plus ce bloc immobile qui a signé une place à chacun pour la vie. Mais elle reste un atelier. Un atelier ordinaire, parfois bruyant, parfois silencieux, où l'on apprend très tôt à parler, à se taire, à espérer ou à se méfier de l'avenir. La socialisation familiale ne se déroule plus dans un cadre unique et formaté. En France, environ 2/3 des enfants mineurs vivent avec leurs deux parents, tandis que près de 30% grandissent avec un seul parent ou dans une famille recomposée. La diversité n'est plus marginale. Nous ne sommes plus dans les années 1950, elle est devenue ordinaire. Cela signifie que les apprentissages durant l'enfance, le rapport à l'autorité, à la discussion, à l'avenir, à l'incertitude, à ce qui fait le bonheur ou le malheur, à ce qui est bien ou mal, se construisent désormais dans des cadres relationnels et matériels différents. Les différences de configuration familiale se traduisent d'abord par une distribution inégale de ressources très concrètes, le temps et l'argent. Dans de nombreuses familles monoparentales, le temps est rare. Un seul adulte cumule les responsabilités économiques, éducatives et domestiques. Ce n'est ni un manque de volonté, ni un déficit d'attention. C'est une contrainte temporelle, d'autant plus forte que le nombre d'enfants est élevé. À cette contrainte temporelle s'ajoute souvent une contrainte économique. En France, plus d'un tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, contre environ 15% pour l'ensemble de la population. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est un climat. Un climat fait de stress, d'arbitrage permanent, de renoncement discret. Ce climat façonne la socialisation. Il influe sur la manière de se projeter, d'oser, de croire à la stabilité de l'avenir. Quand une séparation parentale s'accompagne d'une baisse durable du niveau de vie, le discours tenu à l'enfant sur ce qui est possible ou non peut évoluer. Et avec lui, les aspirations, les attentes, la manière de se situer dans le monde. On peut observer les effets de ces socialisations différenciées à travers quelques exemples concrets, sans jamais les transformer en verdict. À l'école, par exemple, les enfants vivant avec leurs deux parents participent un peu plus fréquemment à des activités extrascolaires, disposent plus souvent de ressources culturelles à la maison et échangent davantage avec leurs parents autour du travail scolaire. Si les écarts existent, leur ampleur reste une question d'appréciation. Environ 25% des enfants issus de familles monoparentales ont redoublé au moins une fois en primaire, contre 10 à 15% des enfants des autres familles. Environ 60% obtiennent le baccalauréat, contre 75% parmi ceux ayant grandi avec leurs deux parents. Ces écarts s'expliquent largement par des contraintes très concrètes. Horaires de travail, fatigue, instabilité résidentielle, charge mentale, disponibilité attentionnelle du parent. Il s'agit moins d'un désintérêt éducatif que de conditions de vie différentes, qui influencent la manière dont l'école est investie et accompagnée. Ces différences apparaissent aussi dans des domaines moins visibles, comme le rapport au couple et à la stabilité affective. Les individus ayant grandi dans une famille marquée par une séparation parentale présentent, en moyenne, une probabilité légèrement plus élevée de rupture conjugale à l'âge adulte. Non par fatalité, mais parce que la séparation peut devenir une expérience socialisatrice. Elle modifie les représentations du conflit, de l'engagement et de la réversibilité du lien. Ainsi, parmi les personnes ayant grandi avec leurs deux parents jusqu'à l'âge adulte, environ 30% connaissent une séparation conjugale au cours de leur vie. Parmi celles ayant connu une séparation parentale avant 18 ans, cette proportion s'élève à 40 à 45%. Ce que l'on voit finalement, ce n'est pas seulement que les configurations familiales continuent de différencier les socialisations. C'est surtout qu'elles les rendent plus variées, moins prévisibles, plus composites. Dans une société où les formes familiales étaient peu nombreuses, les trajectoires de vie étaient inégalitaires, certes, mais relativement repérables. La configuration familiale constituait alors un indice assez stable pour anticiper, grossièrement, l'avenir scolaire, professionnel ou conjugal d'un enfant. Aujourd'hui, la multiplication des formes familiales brouille cette lecture. Elle n'efface ni les contraintes sociales, ni les ressources inégalement distribuées, mais elle en modifie les combinaisons. Les déterminismes ne disparaissent pas, ils deviennent plus complexes, plus indirects, plus difficiles à isoler. Un enfant issu d'un milieu populaire, bourgeois ou rural ne connaît déjà pas la même socialisation. Mais cette socialisation se complexifie encore selon que la famille est nombreuse ou non, séparée ou non, recomposée ou non, et plus encore si l'on tient compte de l'âge de l'enfant au moment de la séparation. Les trajectoires de vie se construisent désormais à partir d'agencements singuliers. Qualité des relations, conditions économiques, stabilité résidentielle, réseau, moments de rupture, discours tenus aux enfants. Autant de variables qui rendent toute prédiction simple intellectuellement fragile. C'est en ce sens que la diversification des configurations familiales oblige à une sociologie plus fine, plus prudente, plus attentive au parcours. Moi, Birdie Odette, qui ai connu des sociétés où l'avenir des enfants se lisait presque à l'état civil, je peux vous le dire. Ce que nous avons gagné, ce n'est pas la fin totale des déterminismes, mais la fin de leur évidence. Et ce déplacement-là, aussi inconfortable soit-il pour les esprits pressés, est peut-être l'une des transformations les plus profondes de nos sociétés contemporaines.